Aux morts, donner la lumière en un joli cimetière. 6 juin 2017, Shen Yang, hôtel Heiping, paix, soir. Décidément, le nom de l'hôtel est adéquat. Mei m'a dit qu'il signifie paix, harmonie, sérénité. Cependant, la pensée de Hua disparu a soulevé en moi une question de la vie ou de la mort. Ce matin, à l'aéroport de Canton, nous avons pris l'avion en direction du nord de la Chine pour rejoindre le cimetière où Hua serait enseveli. Durant le voyage, Mei, les yeux fermés, dort. Tant mieux, elle se repose. Moi, trait du visage tiré. La nuit, très mal dormi. Cerveau exténué, mais trop perturbé par la mort. En plus de Hua, celle de ma mère me fera tellement de peine. Ah, je souhaiterais trépasser avant elle, pour ne pas souffrir de sa disparition. Mais non, c'est égoïste. Mieux vaut me charger de la douleur de son extinction que de l'avoir endurée la mienne. Comment dormir avec de telles pensées tourmentées? L'avion atterrit dans la ville de Shenyang. Ciel gris, nuages sombres, pluie légère, vent froid. Taxi. Durant le parcours sur une route bordant un large fleuve, mon téléphone sonne. Je regarde l'écran. Oh non! La sonnerie continue, insistante. Mei tourne le regard vers moi. Bruno est troublé, plus exactement agacé, très agacé, par la vue de l'écran de son téléphone qui continue à sonner. Pourquoi refuse-t-il de répondre? Je fais semblant de rien, je contemple le paysage. Finalement, je réponds. De mon lointain pays, mon distingué patron me communique d'un ton glacial, évidemment, que je dois retourner au travail le plus tôt possible, autrement, voilà la nouveauté, il sera obligé de me licencier. Rien de moins. Presque 30 années de bons et loyaux services, ensuite poubelle. Toutefois, il ajoute, pour ne pas être licencié, moi, par nos actionnaires. Là, chapeau. J'apprécie le courage de la sincérité. Alors, sincérité pour sincérité, je lui rétorque. J'ai encore affaire là où je suis, et je comprends votre nécessité d'accomplir ce que vous considérez votre devoir. La communication finie, Bruno montre une expression de visage plutôt rigide. Je me permets de le regarder, interrogative. Il me rassure. Rien d'important. Je l'espère, sans le dire. Le taxi arrive à un embouteillage. Il l'oblige à s'arrêter. Une longue file de véhicules est immobile. Deux voitures de police, les lumières en action sont là. Des policiers règlent la circulation. Le chauffeur du taxi attend un moment, puis s'adresse à moi. Cet embouteillage durera certainement longtemps. Il vaut mieux que je prenne une autre route entre les champs. Elle est plus longue, mais vous arriverez plus vite. D'accord? J'explique le tout à Bruno. Il accepte. Le chauffeur fait marche arrière, puis, se faufilant avec difficulté parmi les voitures arrivées après lui, il retourne vers la direction d'où il était venu. Nous parcourons une étroite route secondaire, serpentant à travers de jolis champs, à perte de vue, où domine la couleur verte. Jamais je ne me fatiguerai de les admirer. Leur vue embaume mon âme, me rappelant les heureux moments de mon enfance. Une heure après, nous arrivons à destination. L'entrée du cimetière de Fuxuan est un encadrement monumental en bois, sans porte, donc accessible à tout moment et librement. Sur chacun des deux côtés se dresse une statue d'un grand et superbe lion en marbre rougeâtre. Photo de l'entrée du cimetière avec les deux statues de lion. Mais il m'informe que l'expression agressive de ces fauves sert à effrayer et empêcher les mauvais esprits d'entrer dans le cimetière. Judicieuse idée, celle d'interdire aux mauvais esprits d'accéder à ce lieu de repos éternel. Nous entrons au cimetière. Curieux. Contrairement aux endroits semblables chez nous, je ne vois ici rien de triste ou de lugubre. Photo panoramique du cimetière. Le site, illuminé par un éclatant soleil, est immense, en pleine campagne, sur le flanc d'une colline boisée, entourée de champs cultivés. Décidément, agréable vue d'arbustes entourant des stèles de couleur claire, ornées de fleurs multicolores. Rien ne suggère un lieu de mort. Nous nous engageons sur un large sentier portant vers les tombes. Sur le chemin, je rencontre mon cher nouvel ami. Photo du Bouddha assis au centre d'un pavillon. Je m'arrête devant lui, puis j'examine attentivement son visage. Évidemment, il ne peut pas sourire dans un cimetière. Photo rapprochée du Bouddha assis. Pourtant, il semble bien qu'il sourit, d'une manière curieuse. Je m'adresse à Mei pour un éclaircissement. Que lui dire? Ou plutôt, comment le dire? Difficile d'exprimer des pensées spécifiquement orientales dans un langage occidental. Les mots soit manquent, soit n'ont pas une équivalente signification. Mais il faut bien que j'accomplisse mon travail d'interprète. Espérons le réaliser convenablement. Pour les bouddhistes, dis-je, la mort n'est qu'un phénomène passager. Le croyant à cette conception doit simplement se conduire de la manière éthique la plus juste, c'est-à-dire éviter de causer du mal à soi-même ou aux autres créatures, afin de parvenir au néant. Celui-ci est ce qu'il y a de mieux, de parfait, d'harmonieux. Voilà, me semble-t-il, l'explication du sourire paisible, serein du Bouddha. Il signifie « aucune peur de la mort ». Au contraire, accueillons-la comme délivrance de tous les maux de l'existence, et donc avec un bienveillant sourire. Ces considérations me laissent songeur et perplexe. Elles sont tout le contraire des conceptions dans mon pays. Chez nous, la mort est le plus hideux des malheurs, prélude à une autre existence, faite soit de châtiments atroces pour les méchants, soit de béatitude éternelle pour les bons. Cependant, même ces derniers voient dans la mort le plus grand malheur. Ils sont inconscients de leurs contradictions. Ils devraient au contraire être heureux de mourir, puisque les attend le paradis et ses jouissances. Voilà pourquoi nos cimetières sont d'une tristesse insupportable, même quand ils prétendent à l'élégance, toujours lugubre. Dans mon pays, en arrivant dans un endroit pareil, j'imagine toujours les cadavres putréfiés sous terre, la puanteur, les vers rongeurs de la chair, les os réduits en poussière, rien que dégoût. Et voilà qu'ici, dans ce cimetière de Chine, je ne vois que jardin, beauté et sérénité, et même le sourire de Bouddha. Pourtant, je suis tellement torturé par l'accablante question « Qu'en serait-il de moi après la mort de Hua ?» Commence la pénible inspection parmi les tombes. Dans un silence troublé seulement par le crissement de nos pas sur le gravier, nous examinons sur les stèles les photos des défuntes. Là où manque l'image, mais il lit le nom gravé. De temps à autre, de petits oiseaux passent en gazouillant. Les sépultures sont très bien entretenues, agrémentées de fleurs, naturelles et fraîches ou en plastique. Il y a aussi des miniatures de belles automobiles, de buffles attelés à des chariots, de coupes de lions contre l'avenue de mauvais esprits, de tasses remplies de papier-monnaie brûlé. Photo d'une tombe agrémentée d'objets divers. Qu'est-ce donc que ces objets, plutôt ces jouets? À l'improviste, au centre du cimetière, je note un homme. De loin, il nous regarde avec insistance. Il est vêtu d'un pantalon et d'une veste bleue de travail ainsi que d'une chemise blanche. Je demande à Mei pourquoi cet homme nous observe. À son tour, elle voit celui qui nous fixe avec discrétion mais ouvertement. « Je crois, répond-elle tranquillement, qu'il travaille ici. Il est peut-être curieux parce que tu es un étranger. » Rassurés, nous reprenons l'inspection. Mais toujours de loin, l'inconnu se déplace sans nous quitter les yeux. Malgré l'explication de Mei, le comportement de cet homme m'énerve et m'inquiète. « Allons le voir, dis-je. » Nous le rejoignons. Il nous regarde avec calme. Mais il lui montre la photo de Hua, puis lui demande où est sa tombe. L'employé examine soigneusement la photo. Enfin, déclare, « Je ne sais pas si cette personne est ici. Vous devez examiner toutes les tombes et bien regarder les photos et les noms. » Il s'éloigne. Nous reprenons la recherche. Quelques heures après, ayant parcouru tout le cimetière, aucune trace de Hua. Perplexité, angoisse. En quittant le cimetière, nous rencontrons de nouveau l'homme vu auparavant. « Vous avez trouvé ? » s'enquiert-il. « Non, » répond Mei. « Il y a aussi, dit-il, un autre cimetière, pas très loin, là-bas. » Il indique une direction. « Je vous conseille d'aller y voir. »« Ah, un espoir ? » ?»« Ou plutôt, un autre endroit de désespoir ?» Autre taxi. Nous arrivons sur une pente de montagne. « Je ne vois pas de cimetière, » dit Jamei. « Il est là, » objecte-t-elle. Je regarde dans la direction indiquée. « Encore rien, bizarre. » Nous gravissons un sentier. Il mène vers le sommet de la montagne, pas haute. Nous arrivons à un endroit dégagé avec quelques arbres. « Là, » dit Mei. Je regarde dans la direction indiquée. Sur une pente, je vois un ensemble éparpillé d'amas de quelque chose de blanc. « Photo de l'endroit. »« C'est un cimetière ?»« Oui, » répond-elle. « Traditionnel, populaire. Nous y allons. » Nous parvenons tout près d'un alignement de tumulus de terre, tous semblables, ronds, environ 3 mètres de diamètre chacun, haut de 2 mètres, constitués de pierres et surmontés de terre où pousse une herbe sauvage. Je m'approche de l'une de ces étranges édifications. « Photo d'une tombe où sont posés des aliments. »« C'est une tombe ? Oui, là se trouvent les sépultures des pauvres, incapables de s'offrir un cimetière comme celui qu'on a vu auparavant. Ils confient leurs cendres à la nature dans son état le plus simple. Leurs cendres ou leur corps ? Leurs cendres. Chez nous, c'est la règle de brûler les cadavres pour n'en conserver que les cendres. Et ses aliments et ses cigarettes ? J'indique les bananes, les pommes, le gâteau et quelque chose d'autre que je ne connais pas, ainsi que des cigarettes. Encore un sourire de Mei. C'est pour les défunts. Comment ça pour les défunts? Leurs parents viennent à peine de leur rendre visite, et ils leur ont offert de quoi se nourrir là où ils sont. Et là où se trouvent des cigarettes, c'est parce que le défunt, durant son existence, aimait fumer. Je ne comprends pas. Comment ça, se nourrir et fumer? Ne sont-ils pas morts et enterrés? En Chine, une fois par an, nous rendons visite à nos parents décédés. Nous parlons avec eux, nous mangeons auprès d'eux, puis en les quittant, nous leur laissons une partie des aliments que nous avons portés. Dans le passé, et encore aujourd'hui dans certains endroits, les paysans ensevelissent leurs morts près d'eux, dans un coin de leur champ. Il n'y a pas de séparation physique entre les vivants et les morts. Au contraire, leurs relations se poursuivent. Les vivants croient que les défunts continuent à exister sous une autre forme, dans un ailleurs. Il n'est ni votre paradis, ni votre enfer, ni votre au-delà, mais autre chose. Un soupir profond soulève ma poitrine. Décidément, je suis sur une autre planète. Curieusement, l'explication de Mei me donne une sorte de soulagement. Donc, pour vous, Chinois, Huan n'est pas totalement morte. Elle continue à vivre dans un ailleurs. Pour nous, oui, ou si tu préfères, et pour employer le langage occidental, son esprit continue à vivre dans cet ailleurs. Pas seulement son esprit, puisque vous donnez à vos morts à manger. Eh oui, comme tu vois, parler uniquement d'esprit ou d'âme, comme on dit dans vos pays, n'est pas suffisant pour nous, Chinois. Si j'ai bien compris, vous n'avez pas peur de vos morts. Oh non, pas du tout. Ils nous sont familiers, comme durant leur vie. Nous parlons avec eux, imaginons leurs réponses, leur offrons de la nourriture et des cadeaux pour les aider à mieux être là où ils sont. Je regarde Mei en me disant en moi-même, pourtant la personne qui me parle en ce moment est un être humain, faisant partie de la même planète que moi, et non pas venu d'une autre galaxie. Ma totale perplexité devant cette conception de la mort, et donc de la vie, se conclut de manière inattendue, positive. « Eh bien, dis-je, j'aime bien votre interprétation de la mort. Selon cette vision, Huan n'est pas et ne sera jamais tout à fait morte. » Devant ce qu'il m'est néanmoins difficile à concevoir comme tombe, nous commençons notre inspection. Dans ce cimetière-ci, simplement de la terre, des pierres ordinaires, et comme décoration quelques petites étoffes de diverses couleurs, gaies, attachées à des tiges d'arbustes, flottant sous l'effet d'une légère brise. En outre, l'endroit est face au soleil, l'air y est frais, l'herbe parfumée. En somme, une jolie position pour s'asseoir, respirer, jouir d'exister, en contemplant une belle et sereine nature. Cela me consolerait un peu si le corps de Hua est ici. Quel beau lieu comme ultime demeure, devenir une simple composante de terre, fondue dans la nature. Une feuille se détache d'une branche d'arbre. En tombant, elle vacille de droite à gauche, puis de gauche à droite, plusieurs fois, dansante, jusqu'à rejoindre le sol, où elle disparaît parmi les herbes. La fleur, avec le temps, quitte sa tige et meurt. Mais viendra le printemps, et de nouvelles fleurs. Moi, de ma tige arrachée, je serai asséchée. Ma fin est la poussière, à jamais dans la terre. Nous inspectons les sépultures, l'une après l'autre, toutes semblables, toutes très simples. Beaucoup ne portent pas de photos, mais sur toutes, des noms sont inscrits. Aucune ne mentionne Hua. L'inspection finie, nous nous arrêtons, debout, fatigués, déçus. Peut-être, dit Mei d'une voix très douce, Hua n'est pas morte. Ou, j'objecte, enterrée dans un autre cimetière. Je préfère penser qu'elle est encore vivante quelque part. Tu veux dire son esprit? Non, non, Hua en chair et en os, vivante dans un autre endroit. Il est possible de croire à la mort d'une personne, alors qu'il s'agit simplement d'une rumeur. Cela est arrivé notamment durant la révolution culturelle chez nous. On a fait croire à la mort de certaines personnes pour leur éviter d'être victimes de mauvais traitements ou d'un assassinat. Et précisément, l'homme qui nous a parlé de la mort de Hua l'a situé durant la révolution culturelle. Oh, intelligente et tendre Mei, avec une profonde reconnaissance, je fixe ses doux yeux. J'apprécie ton optimisme. Je ne peux pas me résigner à la mort de Hua. Ne pas trouver sa tombe est pour moi un motif de joie. Je ne l'ai pas avoué à Bruno, mais déjà, en allant au cimetière, je souhaitais ne pas y trouver Hua. Sur le chemin du retour, je confie à Mei, j'étais frappé par la conception des cimetières. D'abord, le premier est plutôt un splendide jardin. Je ne veux pas décevoir Bruno en lui exprimant mon opinion négative à propos du premier cimetière. Je lui trouve une beauté factice, celle de l'argent. Plus on est riche, plus la sépulture est rutilante. Même dans la mort, ostentation et concurrence. C'est ridicule, attristant. Je suis rassurée de ne pas y avoir trouvé Hua. Je ne l'imagine pas avoir eu des parents assez superficiels pour la mettre dans un tel endroit. Il défigure la nature, l'ensevelit sous une ridicule vanité. Le second lieu de sépulture, lui seul, me convient. C'est l'endroit idéal où déposer mes cendres. Je désire qu'elles soient confiées à la terre où je suis née, dans un coin proche de la maison où j'ai vu le jour, en compagnie des cendres de mes parents et arrière-grands-parents. Je veux comprendre davantage. Aussi je relance. Et ces miniatures de voitures, de chariots, ce papier-monnaie brûlé, c'est quoi ? Mais il hausse joliment sa charmante tête. Nous offrons à nos défunts ce qu'ils avaient ou auraient aimé avoir dans leur vie terrestre. Cette information m'attendrit. Je pense à ma mère. Après sa mort, elle serait heureuse de disposer encore de son piano. Ce serait donc une bonne idée de placer sur sa tombe un joli piano en miniature, et puis sur la mienne une miniature de violon. J'en reviens à May. Vous ne croyez donc pas au paradis et à l'enfer ? Elle éclate de rire, la main sur la bouche, puis « Aussi, mais uniquement durant notre vie sur cette terre. Chez nous, pas de Dieu unique, pas de divinité, pas de péché originel, pas de mal et de bien nettement séparés. » Pas de man, j'ai oublié le mot pour dire, soit ceci, soit cela, mais pas les deux à fois. Manichéen ? Oui, c'est le mot, manichéen. Chez nous, rien de tout ça. Simplement, nous aimons croire que nos morts ne sont pas totalement morts. Elle se tait, en restant pensif, et moi, songeur. Elle reprend. Connais-tu le symbole du Tao ? Non, c'est quoi ? Mais il porte sa main droite sur le haut de sa chemise. De l'intérieur, elle extrait un objet qui pend à une mince et discrète cordelette. Elle me le montre. Photo du Tao. Tu sais ce que c'est ? J'ai déjà vu ce dessin auparavant, mais je ne lui ai jamais prêté attention. Elle m'explique. La partie noire représente les forces obscures, négatives, destructrices, tandis que la partie blanche évoque les forces de lumière, positives, créatrices. Ces deux forces antagonistes sont en lutte entre elles. Il en est ainsi dans tout ce qui existe dans l'univers, donc aussi en nous, êtres humains qui en sont une composante. Tu noteras que la partie noire contient un peu de blanc, et vice-versa, la partie blanche comporte un peu de noir. Elle se tait pour vérifier si je devine la signification de cette particularité. J'avoue mon incapacité. Eh bien, nous devons être conscients que notre aspiration au bien et au beau se concrétise dans une lutte contre le mal et le laid, sans oublier que dans le bien et le beau réside quelque chose de mal et de laid, et vice-versa. Peux-tu me donner un exemple concret ? Oui. Voici le plus significatif. Des hommes ont lutté de toutes leurs énergies pour changer la société en mieux, en se révélant être d'authentiques révolutionnaires. Néanmoins, durant la lutte, ils se sont comportés en tyrans criminels, fossoyeurs de la cause même pour laquelle ils combattaient. Par exemple, notre ex-président Mao Tse-tung, et avant lui, Lénine en Russie. Ces propos me mettent mal à l'aise. Ils montrent l'ampleur et la gravité de mon ignorance pour tout ce qui n'est pas mon activité professionnelle. Plus encore, tout ce que m'apprend May sur son pays et sa conception du monde est pour moi, jusqu'à maintenant, absolument inconnu, totalement inconcevable. Pourtant, je me considérais informé du nécessaire au sujet de la vie sur cette terre. Je ne suis jamais parvenu à comprendre certains aspects des Occidentaux. Avec le réalisme qui les caractérise, comment peuvent-ils croire à un dieu, aux anges, au paradis et à l'enfer, à cette histoire de la Genèse, au péché originel du couple Adam et Ève, à leur descendance incestueuse. Le soir à l'hôtel, je trouve l'occasion d'en parler avec Bruno. Je lui pose la question. Il reste interloqué, muet. Je hasarde avec prévenance. Ma demande est-elle inopportune ? Non, non, pas du tout, répond-il pour me rassurer. Alors, peux-tu me donner des explications ? Pourquoi cela t'intéresse-t-il ? Parce que nous, Chinois, nous n'y avons jamais cru, et nous ne concevons pas ce genre de vision. Comment ? Vous n'avez pas de religion ? Il y a une très petite minorité de religieux, des chrétiens et des musulmans, mais la majorité d'entre nous est confucéenne, taoïste ou bouddhiste. Ce ne sont pas des religions ? Pas du tout, simplement des conceptions spirituelles, comme chez vous le stoïcisme, l'épicurisme, le cynisme, le scepticisme. Bruno en est tout étonné. Cela n'a-t-il pas causé chez vous des guerres ? Pas du tout. Nos guerres se sont toujours faites ouvertement pour conquérir des territoires, des ressources naturelles et des peuples à faire travailler pour produire des richesses. Durant ces guerres, on n'a jamais brandi un livre sacré. Non, seulement des épées, des lances et des oriflammes. Mais, reprend Bruno, totalement incrédule, les mots « dieu » et « religion » n'existent-ils pas dans votre langue ? Pas exactement. Ce que vous appelez « dieu », nous l'appelons « ciel ». Quant au mot « religion », nous avons dernièrement inventé un terme, mais sa signification réelle est toute différente. Donc Dieu est dans le ciel. Non. Dans notre ciel, il n'y a que des réalités concrètes, les nuages, l'éclair, la pluie, le soleil. Notre bonheur ou notre malheur viennent d'eux. Voilà pourquoi nous leur accordons une importance fondamentale. Et l'Ancien Testament, puis les Évangiles? Pour le chinois, ce sont simplement des fables. Pourquoi? Ils évoquent des choses matériellement invérifiables. Nous, chinois, accordons un crédit seulement à des récits historiques relatant des faits réels, ou à des écrits de fiction concernant des faits réels, comme l'Iliade et l'Odyssée, ou à des narrations de pure imagination, comme les Mille et une nuits. Pour nous, existent en Occident des personnages que nous ne parvenons pas à comprendre. Exemple, le pape des catholiques à Rome. Pour nous, c'est un personnage très énigmatique. Pourquoi? S'il croit à ce qu'il affirme, c'est qu'il a renoncé à sa faculté de raisonner, laquelle considère uniquement les faits empiriquement vérifiables. Si au contraire sa raison fonctionne, alors il ne croit pas à ce qu'il déclare. Dès lors, la question se pose. Une personne placée si haut dans une hiérarchie sociale, peut-on l'imaginer incapable d'employer sa raison? Les paroles de May me laissent littéralement pantois. Je n'ai jamais imaginé un peuple ne croyant pas à Dieu, ou tout au moins à des divinités quelconques. Et pourtant, ce peuple chinois vit normalement. Mieux encore, il n'a jamais connu de guerre de religion, incroyable. Et nous nous affirmons que notre conception du monde est universelle, partagée par l'humanité entière. Je suis complètement stupéfaite de l'étonnement de Bruno concernant ce que je lui ai dit de la Chine. Les Occidentaux sont donc tellement ignorants de notre culture. Je les croyais plus informés. Pourtant, nous sommes une partie non négligeable de l'humanité. Notre histoire est plurimillénaire et notre contribution à la civilisation humaine importante. Comment les Occidentaux peuvent-ils, d'une part, considérer si hautement l'importance de la connaissance et, d'autre part, ignorer tellement la Chine et sa culture? Je commence à comprendre. Si en Occident nous savions que dans cette autre moitié de la planète, les gens ont toujours vécu normalement sans avoir besoin d'un dieu, aurions-nous continué à y croire, nous, comme réalité prétendument universelle, au point de nous massacrer réciproquement? Combien d'encres, de livres, de controverses, de luttes féroces, de bulles, d'excommunications, d'inquisitions, de tortures, de bûchers, d'écartèlements, de guerres civiles atroces, de croisades meurtrières ont eu lieu et continuent à exister à propos de quelque chose auquel environ un tiers de l'humanité n'a jamais cru? Et ce serait nous, les civilisés, et eux, les barbares? Je me croyais cultivé et bien informé. Pouah! Pauvre Bruno! Je demande encore à May. Et chez vous, les croyants à différentes conceptions spirituelles, comment se tolèrent-ils? Comment cela se tolèrent-ils? Ils ont des opinions différentes, je suppose contradictoires, donc ils sont obligés de se tolérer. Chez nous, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Si je comprends bien le mot « tolérer », il signifie que je possède la vérité, mais que j'admets l'opinion d'un autre tout en la reconnaissant fausse puisque je ne l'ai pas adoptée. Exact. Alors chez nous, il n'y a pas de tolérance, parce que personne ne croit que sa conception est juste et une autre, différente et fausse. Tout simplement, nous pensons que chaque conception a sa valeur et qu'au fond, elle se complète harmonieusement. C'est comme les parfums et les couleurs des fleurs. En Chine, il est fréquent de trouver des personnes dont la croyance alimente des trois conceptions principales que sont le taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme. Là, mon cher Bruno, tu tombes de haut, de très haut. Ah, l'excellent fonctionnaire de banque, connaisseur de la finance mondiale et de la culture prétendument universelle. Je commence à comprendre une cause des agressions contre notre pays et notre peuple de la part des Occidentaux. Ignorant tout de notre culture, refusant de la connaître et la présentant comme un folklore ridicule, ils nous stigmatisent comme barbares. Très commodes pour justifier toutes leurs horreurs contre nous, voler nos ressources et asservir notre peuple. Les Anglais en sont arrivés jusqu'à introduire chez nous l'opium, dans le but infâme d'abrutir notre peuple, tout en tirant de leur odieux trafic commercial un juteux profit financier. Et tout cela en bon chrétien. Comment expliquer un tel comportement? Surtout quand on se déclare représentant de la civilisation la plus avancée. Si j'applique à ce cas le symbole du Tao, dans la couleur blanche de l'Occident, combien de couleurs noires faudrait-il mettre? Toute cette discussion avec Mei m'a beaucoup troublé, mais elle m'a été très utile. Elle m'a ouvert les yeux, élargi l'horizon, enrichi l'esprit. Reste l'angoissante question, que sera le reste de ma vie si je ne trouve pas Roa vivante? Et combien d'illusions et de préjugés dois-je abandonner concernant les idées dominantes dans mon pays et celle existante dans le pays de Hoa. Le cœur a tant de mystères cachés dans son univers. Éclairée par une petite lampe de chevet, je suis dans mon lit, assise, songeuse. Sur la fenêtre de la chambre, la pluie tambourine. Son crépitement m'inspire. À mon carnet. Mon corps s'isole, mais pas l'esprit. Lui, il s'étiole, et point ne rit. Ciel étoilé, monts et forêts, à moi offrez sérénité. Libérez-moi de mon chagrin et de l'émoi du dur matin. J'entends frapper discrètement à la porte de ma chambre. Les coups se répètent. Prise d'inquiétude, je me lève et ouvre la porte. C'est Bruno. Du coup, je réalise, très gênée, je suis en chemise de nuit. Dans ma précipitation, je n'y avais pas pensé. Je rougis de honte. De son côté, Bruno est embarrassé. Idiot que je suis, n'avoir pas pensé à l'heure ni à elle en chemise de nuit. Sa couleur bleu clair est si jolie. Crétin, triple crétin. Mon visage s'enflamme comme un stupide adolescent pris en faute. Les paroles me manquent, bloquées par ma stupide confusion. Finira-t-il par parler ? Non, la situation est très embarrassante. À moi l'initiative. Oui, Bruno, qu'y a-t-il ? Excuse-moi, je ne savais pas, balbutie-t-il. J'aurais dû d'abord te téléphoner avant de venir. Ne te préoccupe pas, dis-moi de quoi il s'agit. Il hésite, ma tête tourbillonne. Chaque seconde est longue, trop longue. Parle, nom d'un chien, parle. Rien ne sort de ma bouche. Le temps s'est arrêté, suspendu. Et moi, je suis un ressort ridiculement tendu. Parle, parle, idiot. Enfin, il s'exprime, de manière gauche, presque enfantine. Je voulais te demander quelque chose de... Il cherche ses mots. Enfin, voilà. Il s'interrompt. Notre embarras augmente. Le soleil de la lune est frère. Jaune d'or ou blanche lumière. Chacune brille à sa manière, illuminant notre univers. Pourquoi est-il venu, à cette heure tardive ? Dans ma poitrine, c'est le branle-bas de combat. Mon corps tout entier est parcouru de frissons. Subitement, mes yeux se baissent. Non, relève-les, courage. Je parviens à regarder Bruno pour deviner son intention. Je vois bien sa gentillesse, sa douceur. Mais... Comment le lui dire ? Courage, vieux crétin. Mes yeux osent rencontrer ceux de May, bien ouverts. Leur forme en amande en augmente le charme. Dans le couloir désert de l'hôtel, tout est silence. Nous deux, debout l'un en face de l'autre, si proches, restons muets, aphasie pesante, troublante. Quand apparaît aux yeux le soleil du matin, ou l'éclat lumineux de l'astre de la nuit, le cœur est ébloui, et l'esprit bien lutin. Enfin, Bruno déclare d'un trait, « Demain matin tôt, je voudrais que tu m'accompagnes au parc. » Me voyant étonné, il s'empresse de préciser, « Je voudrais... J'ai besoin de... Je désirerais me mettre avec quelques-uns de ceux qui font du tai chi. J'ai besoin d'essayer, c'est très important pour moi. » Ah, enfin, je comprends. Il est trop contracté. Le pénible voyage, la recherche exténuante, l'angoisse suffocante. Il a besoin de soulagement. Pour détendre l'atmosphère, je plaisante un peu. Tu es en train de devenir chinois. Chinois ? Oui. Depuis les temps les plus reculés, nous pratiquons le tai chi pour apaiser ce qui nous agite, pour retrouver ce que nous cherchons et apprécions avant tout, l'harmonie du corps et de l'esprit. À mon tour de badiner. Disons alors que je suis en train de récupérer l'autre partie de mon humanité. Après le départ de Bruno, une inquiétude m'a prise, à tel point que je vais au miroir de la salle de toilette. Mon visage est blême, les yeux livides. Pourquoi ? Ô ciel, éclaire la brume dense. Une seule chose apparaît. Quoi qu'il arrive, May, tu dois être ferme, respectueuse de tes principes. Plus tard, nuit. Un cauchemar m'a réveillé. J'étais dans mon bureau, englouti dans les chiffres, mais gonflé du sentiment d'être tout-puissant parce que d'autres vies dépendaient de mes calculs et de mes conclusions. Misérable compensation.